بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblés de cette assise et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Et c'est notre deuxième assise autour de ce sujet qui est très important dans la vie du musulman en général et dans la vie du salafi en particulier, qui est le sujet comment salaf ont compris l'innovation. Pour débuter, je commencerai avec les paroles de l'imam al-Albani rahmatullah alayh dans une audio de Silsilat al-Huda wan-Nur numéro 190 où il a dit rahimahullah akthar an-nas al-yawm la ya'budun Allah bi-ittiba' sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam inma ya'budun Allah bi-ahwa'ihim. Dit rahimahullah, beaucoup de gens aujourd'hui n'adorent pas Allah dans le suivi de la sunna du messager alayhi salam, mais ils adorent Allah en suivant leur passion. Hein? Parce que le suivi, c'est le contraire de l'innovation. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, a dit dans un audio, dans une conférence, l'istiqama ala dinillah, la droiture dans la religion d'Allah, il a dit, tamassak bis sunnati fi ayyi makan min al-ard, wa la tandur lirda'i an-nas wa mudarati an-nas. تمسك بالسنة في اللحية وغيرها ولا تتنازل عن شيء من دينك لأحد لأجل إرضاء الناس. الفوزان حفظه الله il dit crampons-toi à la sunna où que tu sois, n'importe où que tu sois sur terre, et ne cherche pas à satisfaire les gens, il ne va pas dans le songe des gens. Crampons-toi à la sunna, que ce soit au niveau de la barbe ou autre. Ne délaisse rien de ta religion pour les gens. Ne délaisse rien de ta religion pour satisfaire les gens. Et je veux que vous méditiez avec moi cette histoire relatée dans ce hadith authentique, dans Sahih, Sunan Tirmidhi, de l'Albani, rahmatullah alayh, Ibn Mas'ud. قال ابن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. دوس حديث عبد الله بن مسعود دي qu'un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a pris Salat al-Isha, puis il a pris Abdullah ibn Mas'ud par sa main, et il est sorti avec dans les alentours de la Mecque. Et à un moment donné, arrivé dans une place désertique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait asseoir Abdullah ibn Mas'ud, il a entouré la partie où il était assis d'un trait, en le faisant autour de lui un cercle. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, ne bouge pas, ne sors pas de ce trait, cette limite ne la dépasse pas, des gens vont passer devant toi, ne leur adresse pas la parole, ils vont pas te parler, ne leur adresse pas la parole. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ الليلة. إيه Abdullah ibn Mas'ud a dit, une fois que le prophète alayhi salam a fait ce cercle autour de lui, il lui a dit, tu bouges pas, tu vas voir des gens passer devant toi, ne leur parle pas, ils vont pas te parler. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti vers là où il voulait aller, et il dit, alors que j'étais assis dans le cercle, dans les limites qui m'a limité Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des créatures noires passaient devant moi, des hommes noirs qui passaient devant moi, ils avaient des poils noirs, hein, et je ne voyais ni leur partie intime, ni leur peau. Ils passaient à côté de moi, ils passaient à la limite du trait qu'a tracé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils vont vers le prophète alayhi salam. Et quand il est arrivé la fin de nuit, vers la fin de la nuit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers moi, et j'étais encore assis à ma place, et il m'a dit, je n'ai pas dormi cette nuit. ثم قال ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دار قد نفخ فبين انا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي اذا انا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم بهم من الله اعلم ما بهم من الجمال فانتهوا الي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم. Il dit, radiyallahu anhu arda, le prophète est arrivé vers la fin de nuit, il est rentré dans la limite du trait qu'il m'a tracé, et il a pris ma cuisse comme oreiller, il s'est endormi. Il dit, alors que j'étais assis, le messager d'Allah a été adossé sur ma cuisse, il y a eu l'arrivée de gens qui sont habillés de vêtements très éclatants de blancheur, sauf Allah sait la beauté qu'ils avaient. Ils sont arrivés vers moi, ils se sont assis, une partie s'est assise à côté de la tête du prophète alayhi salam, et une autre partie au pied du prophète alayhi salam. ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجب عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا. Et quand ces hommes sont arrivés, dont les tissus étaient éclatants de blancheur, certains, une partie s'est assis à la tête du prophète alayhi salam, l'autre au pied du prophète alayhi salam, et ils ont dit, nous avons jamais vu un soumis comme lui. Nous avons jamais vu un soumis comme lui, hein? Il lui a été donné ce qui n'a pas été donné à d'autres prophètes. On n'a pas vu un soumis à qui il a été donné ce qui a été donné à ce prophète. Ses yeux dorment, mais son cœur, il est éveillé. Il parle du messager, alayhi salam. Et ils ont dit entre eux, donnez un exemple. Ils ont dit, son exemple, c'est comme un noble qui a construit un château. Et il a appelé les gens. Il a fait un grand repas. Et il a appelé les gens à son repas. Ceux qui lui ont répondu ont mangé de son repas, ont bu de ses boissons. Et ceux qui n'ont pas répondu à sa da'wa, ils ont été châtiés. Et après, ces hommes ont disparu. Et le messager, alayhi salam, s'est réveillé à ce moment-là. Et il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, « فقال, سمعت ما قال هؤلاء, وهل تدري من هؤلاء ?» Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, « Tu as entendu ce qu'ils ont dit, ces gens-là ? Est-ce que tu sais qui ils sont ?»« قلت الله ورسوله أعلم » قال هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجب عاقبه أو عذبه. Et donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ceux qui étaient là, ce sont les anges. Est-ce que tu sais l'exemple qu'ils ont fait? Hein? L'exemple qu'ils ont donné? Il a dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Hein? Il a dit, l'exemple qu'ils ont donné, c'est le clément subhanahu wa ta'ala qui a construit le paradis et qui a appelé ses serviteurs vers le paradis. Ceux qui ont répondu à son appel rentrent au paradis, et ceux qui n'ont pas répondu, ben ils seront châtiés. Regarde, frère en Allah, Azza wa Jal. Tu vois cette noble histoire qui est réelle, authentifiée par Cheikh Nas Abdil Albani rahmatullah alayh dans son intermédi. Regarde comment Abdullah ibn Mas'ud s'est exécuté et il a fait ce qu'il lui a, il a suivi les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam l'a ramené, il l'a assis dans un endroit, il l'a entouré d'un trait, il lui a dit, dépasse pas ce trait. Et le fait de l'avoir pas dépassé, il a subi aucun mal de la part des créatures qui sont passées devant lui. Apparemment, ce sont des jeunes qui sont venus à la rencontre des prophètes, alayhi salatu wassalam. Ils avaient un horrible aspect, des poils noirs, et etc. Et regardez, alors qu'il n'y a rien qui cache Abdullah ibn Mas'ud d'eux, que ce trait qu'a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont pas fait du mal. Seulement, ce trait, ce n'est pas n'importe quel trait. C'est le trait de la sunna. C'est le trait du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a tracé et a dit à Abdullah ibn Mas'ud, ne le dépasse pas. Hein? Et donc la sunna, celui qui se cramponne à la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala le suffit. Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et regarde, lors de la bataille de Tabouk, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils ont campé dans un endroit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, cette nuit, il va y avoir un vent fort. Alors, installez, ne bougez pas, restez par terre, et mettez vos dromadaires par terre aussi. Tout le monde s'est exécuté. Un homme s'est levé. Quand le vent est arrivé, il a pris cet homme de Tabouk vers le sud, vers les montagnes d'Otaï, vers là-bas, vers le Yémen. Hein? Regardez là. Abdullah ibn Mas'ud s'est exécuté. Il a été préservé. Regardez là. L'homme s'est levé. Le vent l'a envoyé là-bas à Taï, dans les montagnes de Taï. Hein? Et ça, c'est la sunna, le fait de se cramponner à la sunna et de ne pas diverger avec et de la suivre. Regardez aussi un noble exemple aussi. Lors de la khilafa de Abu Bakr Siddiq, au moment de sa khilafa, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, avait noué un étendard pour une troupe, pour une armée, avec comme commandant Oussama ibn Zayd, pour qu'ils aillent vers le combattre Rome. Au moment de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, quand Abu Bakr a pris la khilafa, il y a des tribus arabes qui ont apostasé autour de Médine, etc. Certains compagnons comme Omar al-Khattab et d'autres sont venus voir Abu Bakr et lui ont dit, n'envoie pas cette armée. Regarde, il y a des tribus qui apostasient, etc. N'envoie pas, retarde le départ de ces troupes. Regardez, Abu Bakr Siddiq, il a dit, je n'ai pas à défaire le nœud d'un étendard que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a noué. Et il a envoyé l'armée d'Usama Et regardez ce qui va en découler avec le suivi de cette sunna. Va en découler que de là, chaque fois que cette armée passe devant des tribus, les tribus se calment. Ils disent, ceux qui ont envoyé une armée pareille, ils ont encore, ils sont très forts. On attend qu'ils reviennent. Hein? On attend de voir ce qu'ils ont fait avec les Romains. La troupe d'Oussama est partie, il est revenu vainqueur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la suprématie et le triomphe à Abu Bakr Siddiq sur toutes les tribus. Regardez le suivi de la sunna, ce qu'il fait. Hein? La même chose pour nous maintenant. Si nous voulons la suprématie sur les ennemis d'Allah, nous voulons la suprématie sur notre ennemi personnel qui est notre ego, notre nefs, hein? Nous devons nous soumettre à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous devons comprendre la sunna comme ils l'ont compris et la mettre en application comme ils l'ont mise. Et ne pas innover dans la religion d'Allah azza wa jal. Et ne pas innover dans la religion d'Allah azza wa jal. Regardez maintenant la position d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, dont il méditait cela dans ce qui est rapporté chez Darimi rahimahullah. Jabu Moussa al-Ash'ari ila Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in فقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته رأيت قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل منهم وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة ثم سبحوا مئة قال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من هذه الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة نهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة فقالوا والله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنون يوما مهروان مع الخوارج ميديتون كالله سبحانه وتعالى فوبينيس كمو لنوبل كمبانيون ont compris l'innovation à travers leurs paroles et à travers leurs actes dans ce qui est rapporté par Darimi. Abu Moussa al-Ash'ari, quand il était avec le Koufa, avec Abdullah ibn Mas'ud, il venait chercher Abdullah ibn Mas'ud un matin, avant Salat al-Fajr. Il lui a dit, Ya Aba Abd al-Rahman, tout à l'heure, j'ai vu à la mosquée quelque chose que je ne reconnais pas de la sunna. Quelque chose qui n'est pas bonne. J'ai vu des gens qui attendent la prière assis en forme de cercle, et dans leurs mains, des petites pierres, et dans chaque cercle un homme, leur disant, dites Allahu Akbar 100 fois. Ils s'exécutent. Il leur dit, dites La ilaha illallah 100 fois. Ils le font. Dites Subhanallah 100 fois. Ils le font. Regardez, l'ancêtre d'Yel Mqeddim d'Yel Zawiya, l'ancêtre des muqaddim, des confréries. Hein, on le voit là, il est chez eux, il vient de là. Dans les confréries, tu le vois, hein, dans les différentes zawiyas, différentes confréries, tu vois toujours un homme qui fait le maestro au milieu. Hein, d'où là, de regarder d'où il vient. Hein, son origine. Ibn Mas'ud lui a dit, quand Abu Moussa al-Ash'ari lui a conté ce qu'il a vu dans la mosquée, il lui a dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Abu Moussa lui a dit, rien, j'attendais ton point de vue. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, tu aurais dû leur dire, tu aurais dû leur ordonner de comptabiliser leurs erreurs et leurs péchés, et leur garantir que rien de leur hasanat ne sera perdu. Et puis, nous partîmes avec Abdullah ibn Mas'ud jusqu'à là, l'un de ses cercles. Ibn Mas'ud leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, Abu Abdurrahman, des pierres avec lesquelles, des cailloux avec lesquels on comptabilise Takbir, wa Tahlil, wa Tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, hein? Et subhanallah, on les comptabilise avec ces cailloux. Il leur a dit, comptabilisez vos péchés. Je vous garantis que rien ne sera perdu de vos hasanat. Malheur à vous, communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous précipitez vers votre perte? Les compagnons du prophète alayhi salatu salam sont nombreux parmi vous. Et les vêtements du prophète alayhi salatu salam ne sont pas encore usés. Et ces ustensiles ne sont pas encore cassés. Ça veut dire que vous êtes pas loin de la prophétie. Il n'y a pas longtemps que le prophète est mort. Les compagnons sont présents avec vous. Et il dit, radiyallahu anhu arda, par celui qui tient mon âme entre ses mains, soit vous êtes sur une voie mieux que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors vous ouvrez une porte de l'égarement. Ils ont dit, par Allah, ya Aba Abdurrahman, nous voulions que le bien. Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Le messager nous a annoncé que des gens lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gosier. Ça veut dire qu'ils ne le comprennent pas. Par Allah, je ne sais pas si beaucoup parmi vous ne font pas partie de ces gens-là. Et il les a laissés. Omar ibn Salama, le rapporteur du hadith, a dit, nous avons vu la majorité de ces gens prendre les armes contre nous le jour du Nahrawan avec le Khawarij. C'est-à-dire, le jour où le Khawarij ont pris les armes contre Ali radiyallahu anhu et contre les compagnons, ben ces gens-là qui étaient dans ces cercles de l'innovation de l'invocation, hein, de l'innovation, hein, qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec cette forme innovée, ben ils étaient dans l'armée des Khawarij qui combattaient Ali radiyallahu anhu arda et les compagnons. Regardez le dhikr qui n'est pas conforme à la sunna. Il a amené à la rébellion. Sachez frère en Allah Azza wa Jal, et sœur en Allah Azza wa Jal, ces prêcheurs de l'égarement, il y a une semaine qui ont appelé les gens dans certaines villes du Maroc à sortir invoquer Allah dehors, sachez que leur tendance est basée sur des invocations qui ne font pas partie de la sunna. Et, hein, et sur les bases et les piliers des Ikhwan Muslimoun, des frères musulmans, qui sont la mère nourricière de toutes les sectes et de toutes les tendances des Khawarij du monde moderne. Donc rien d'étonnant qu'ils ont fait cet appel qu'ils ont fait transgresser, hein, l'ordre du gouverneur en faisant sortir les gens dehors. Rien d'étonnant à cela. Regardez leurs aïeux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Leurs aïeux, de qui ils ont pris, qui sont leurs modèles, hein, bah, ils ont pris les armes contre Ali et le noble compagnon radiallahu alayhi. Ali qui était le calife, radiallahu anhu arda. Les savants, rahimahumullah, ont déduit de ce texte de grands fondements. Le premier, ils disent que celui qui a légiféré le but n'a pas omis le moyen pour l'atteindre. Quand Allah a légiféré le dhikr, il n'a pas omis le moyen pour l'accomplir ou pour le comptabiliser. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le comptabiliser avec les doigts de la main droite. Il disait, alayhi salatu wassalam, que les doigts vont être questionnés, ils vont parler, ils vont témoigner. Ils ont déduit aussi que une forme d'innovation qui est le bid'a al-idafiya. Il y a la bid'a complète dans tous ses sens. Il y a le bid'a al-idafiya, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'un de ces aspects, dans l'un des aspects de cet acte, il est conforme aux preuves. Et dans un autre aspect, il n'est pas conforme. Hein? C'est ça le bid'a al-idafiya. Donc ici, l'invocation d'Allah, il est légiféré. Mais la façon dont elle a été faite en synchro et en la comptabilisant avec des cailloux, ceci n'est pas légiféré. Donc d'un côté, dhikr en lui-même, il est légiféré. Et hein, la façon dont elle a été faite et par laquelle elle a été comptabilisée, c'est une innovation. Ce qui fait qu'il est devenu une innovation. Hein, c'est ça le bid'a al-idafiya. C'est l'innovation dans la façon d'accomplir l'acte. Et ceci est un égarement aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, l'acte de dhikr est prouvé par les textes. Mais vous voyez que la façon est en divergence avec la sunna du prophète. C'est pour ça que les compagnons l'ont blâmé. Ils l'auraient réprimandé et ont ordonné à ceux de ces cercles de comptabiliser leurs péchés. Le troisième point qu'ils ont retenu de ce hadith, c'est qu'Allah ne doit pas être adoré avec ce qu'il a, Allah doit être adoré tout simplement avec ce qu'il a légiféré. Il ne doit pas être adoré avec les passions ou avec les coutumes ou avec les habitudes. Regardez combien autour de nous, tu sais, de leur enfant, mais j'ai trouvé mes parents là-dessus. C'est ce qu'on fait dans notre village. Dans la tribu, on fait ça. Dans notre ville, on a toujours fait ça. Dans notre pays, on a toujours fait ça. Tous les gens font comme ça. Alors qu'on doit adorer Allah avec ce qu'il a légiféré et selon la voix de son messager, alayhi salatu wassalam. Ils ont déduit aussi de ce hadith que l'innovation fait disparaître la sunna. Comment ça? Il fait disparaître la sunna. Regarde, ils ont comptabilisé le dhikr avec des petits cailloux. Ils ont fait disparaître la sunna de le faire avec les doigts de la main droite. Ils ont fait disparaître la sunna du fait de le comptabiliser avec la main droite. تابعي حسان بن عطية رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها رواه الدارمي. الدارمي rapporte dans ce sens que le noble tabi'i Hassan ibn Atiyya a dit chaque fois qu'un peuple innove une innovation dans sa religion, son équivalent dans la sunna disparaîtra. Son équivalent de la sunna disparaîtra. Voilà. Et donc, regardez ces cercles, comptabilisés avec les petits cailloux, ils ont délaissé la sunna de comptabiliser avec les doigts, avec la main droite, avec les doigts de la main droite. Ils ont déduit aussi que l'innovation, c'est la cause de la perte. Ibn Mas'ud leur a dit, Ibn Mas'ud leur a dit à ces cercles, malheur à vous, ô communauté de Muhammad, vous vous précipitez vers votre perte. Et il a dit aussi, radiyallahu anhu arda, si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Rapporté par Muslim rahimahullah. Et l'égarement, c'est une grande perte aussi. Hein? Ils ont déduit aussi de ce texte que tous les compagnons sont sur cette répréhension de la bid'a. Ibn Mas'ud a argumenté en disant, les compagnons sont nombreux au milieu de vous. Et ça, ça prouve que l'être humain ne doit pas prendre l'indépendance dans sa compréhension de la religion et dans ses positions. Il doit rester derrière les grands hommes de science, derrière ses pieux prédécesseurs et derrière les grands hommes de science de son époque qui sont donc sur la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Et l'anarchie que vivent les jeunes aujourd'hui avec la fitna de la Sa'faqa est une grande preuve, est une preuve claire et flagrante à ce niveau-là. Que le fait de dévier de la voie des grands, bakhlas, on patauge. Et on crie la zizanie dans la communauté. Et on disperse la jeunesse. Et on disperse, les gens. Wallahu al-musta'an. Ils ont déduit aussi de ce texte que l'innovation ouvre la porte de la divergence qui est la porte de l'égarement. Abdullah ibn Mas'ud a dit à ses cercles, ou alors vous ouvrez une porte de l'égarement. Hein? Ils ont déduit aussi de ce texte que le fait, c'est-à-dire les hommes de science ont déduit de ce texte, que le fait de minimiser les innovations conduit vers la désobéissance et la perversité. Ceux de ces cercles se sont retournés, se sont retrouvés dans les rangs d'Al Khawarij. À cause de quoi? À cause de, du fait d'avoir minimisé l'innovation. Ils sont tombés dans pire encore. Sortir les armes et prendre les armes et se révolter contre Ali radiallahu anhu arda et les nobles compagnons. Méditer la situation de ceux. Hein? Je reviens à cela tout le temps parce que c'est proche de nous. Hein? Méditez la situation de ceux qui ont appelé à la désobéissance durant ce confinement, en demandant aux gens d'eux sortir pour invoquer Allah en groupe, à voix haute dans les ruelles. C'est quoi ça? C'est pas des khawarij? C'est pas un acte d'El Khawarij? Certes. Hein? Et la majorité de ceux qui ont appelé font partie des tendances des différents mouvements qui découlent de l'Ikhwan, qui est la mère nourricière de Khawarij de notre époque. D'où sont sortis le Dawa'ish? D'où sont sortis le Qutbiya? D'où est sorti la Sororiya? D'où est sorti le Hijra ou le Tkfir? C'est signé du gérant de l'Ikhwan. Et, leur similaire au Maghreb, comme l'Adl ou l'Ihsan et j'en passe. Al-Barbahari, rahimahullah, a dit, « Wahdar, sigar al-muhdathat, fa'inna sigar al-bida, ta'oudu hatta tasira kibaran, wa kadalika kullu bid'atin uhdidat fi hadhi l'umma, kana awwaluha sagiran, ليشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. البربهاري رحمه الله دي attention petite nouveauté car les petites innovations deviennent des gros, très grandes. Il en est de même pour toute innovation qui a été innovée dans cette communauté. Au début, il était toute petite, il ressemblait à la vérité. Ceux qui l'ont adopté se sont fait avoir et ils n'arrivent plus à s'en démêler. L'innovation a grandi et est devenue un acte de la religion qui se pratique dans la religion. Et avec cela, la personne se trouve en divergence avec la voie droite et il peut sortir de l'islam si c'est une innovation du domaine de la mécréance. Ils ont déduit aussi cette leçon. La bonne intention ne change pas le fond vrai. Ils ont dit, nous voulions que le bien. Ils ont dit, مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. Nous voulions que le bien. Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, combien veulent le bien? Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le chemin du bien. Ils ont raté le chemin. Et quand on rate le chemin, je suis à Sète, ou je suis à Paris, je veux aller au Maroc. Si je ne prends pas la direction du sud, droit vers l'Espagne, j'arriverai pas à Algérias pour prendre le bateau. Si je prends, de Paris, je pars vers Lille, vers Bruxelles, ben j'arriverai à Perpète les Ouèbes et j'arriverai jamais à Tanger. Il en est de même. On prend pas, on se conforme pas à la sunna, ben on n'arrive pas au bien. Le bien, il est dans le fait de se conformer. Vous avez vu l'histoire. Comment Abdullah ibn Mas'ud a été protégé en respectant la limite que lui a tracée le prophète alayhi salatu wasalam, la limite de la sunna. Et comment Abu Bakr a eu le triomphe sur toutes les tribus en mettant en application la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam. Militons la position d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda. Puisque notre but ce soir de ces deux cours, c'est comment salaf ont compris l'innovation. Abdullah ibn Umar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, était quelqu'un qui était ferme, qui était un grand défenseur de la sunna. Il réprimandait fortement l'innovation et les innovateurs. Et il les désavoue, il les mettait à la quarantaine. Et ils sont désavoués, radiyallahu anhu arda. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Et c'est un parmi ceux que nous devons suivre. Un jour, Sami'a al-Darimi, Rawa al-Darimi, Anna Abdullah ibn Umar, Sami'a rajulan ya'tas. Faqal, هذا الذي عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت سا مديتي له نسكي غابورتي با ترمذي رحمه الله. Un jour, Abdullah ibn Umar a entendu un homme éternuer dire « Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ». Abdullah ibn Umar lui a dit « Ce n'est pas comme ça que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wa salam ». Regardez, il a rajouté juste une phrase. Il lui a dit « C'est pas ça qui nous a enseigné le prophète alayhi salatu wa salam ». Le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné, quand quelqu'un éternue, qu'il loue Allah. C'est qu'il dise Alhamdulillah. Il n'a pas dit qu'il prie sur le messager d'Allah. Pourtant, l'homme, il a rajouté quoi? Une bonne parole. Prie sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Abdullah ibn Umar ne l'a pas accepté de lui. Parce que c'est pas là, c'est pas sa place. Ici, la sunna, c'est de s'arrêter à quoi? À faire la louange à Allah. Et méditer l'acte de Saïd ibn Musayyib. Regardez la compréhension de le pieux prédisseur d'Allah alayhi, ce qui nous fait comprendre qu'on ne doit pas sortir de leur compréhension. Sinon, on se perd. regardé Abdullah ibn Musayyib رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال له لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وجاء في حديث عند الترمذي والحديث صحيح لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. Maintenant méditez l'acte de Saïd ibn al-Musayyib, un grand imam aussi. Il faisait partie des 7 fuqaha de Médine. Un grand tabi'i. Il a vu un homme prier plus de 2 rak'at après l'adhan du Fajr. Après l'adhan du Fajr, le deuxième adhan du Fajr, l'homme il priait plusieurs rak'at, il faisait des longues inclinaisons, il faisait des longues prosternations. Abdullah ibn al-Musayyib lui a interdit. Lui a dit, arrête, ne le fais pas. L'homme lui a dit, Ya Aba Muhammad, Allah me châtiera pour la prière. Saïd ibn al-Musayyib, regardez la compréhension. Les gens, les pieux prédécesseurs s'arrêtaient là où l'arrêtait Sunna. Saïd ibn al-Musayyib lui a dit, non, mais il te châtiera à cause de la divergence avec la Sunna, rapportée par le Bayhaqi. Il te châtiera à cause de la divergence avec la sunna. Et dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed al-Tirmidhi, il est dit, il n'y a que 2 rak'at après le lever de l'aube. C'est-à-dire une fois que le deuxième adhan est fait, on ne prie que 2 rak'at et on attend la prière obligatoire. Nous remarquons dans ces textes la fermeté des compagnons de leurs successeurs à refuter les innovateurs et l'innovation. Et à réprimander l'innovateur s'il le faut. Et à réprimander tout un chacun qui est en divergence avec le sunna s'il le faut. Même s'il fait partie de la famille, même s'il est un ami intime, même si c'est un proche, méditez la position de l'imam Malik rahimahullah. Il était ferme sur ce niveau-là. Il fermait toutes les portes qui amènent vers les innovations. Celui-là rahimahullah, imam Malik, comme a dhakara dhalik ibn Waddah, fil hawadith wal bid'ah. عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. Et méditez la position de l'imam Malik. L'imam Malik était connu pour fermer toutes les portes qu'il peut amener, qui vont être un moyen pour tomber dans l'innovation ou dans le mal. Un homme est venu le voir, il lui a dit, oh Aba Abdillah, il lui a dit, un homme est venu le voir concernant la lecture de Qul Huwallahu Ahad plusieurs fois dans une seule rak'at. Il a répondu, rahimahullah, ceci fait partie des nouveautés qu'ils ont innovées. Il est rapporté par Ibn Dah dans le Bid'a wa Nahyu Anha, dans son livre, le Bid'a wa Nahyu Anha. Et ça, c'est pour fermer les portes qui mènent vers les innovations. L'acte en lui-même, et bon, cet acte, la lecture du Coran, c'est un noble acte. Mais le sortir de sa façon légiférée, que ce soit au niveau des croyances ou au niveau des actes, c'est défigurer les lois de la législation. Et ceci, Salaf ne l'acceptait pas. Et aussi méditons ce qu'a dit Soufiane Thawri rahimahullah. سئل عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكره ذلك فقال إنما أنتم متبعو الأولين ولم يبلغن عنهم نحو هذا وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيئا دون شيء رواه ابن وضاح. إذنك ميديتي aussi cette position de Soufiane Thawri رحمه الله. On lui posa la question concernant un homme qui lit beaucoup « Qul huwa Allahu Ahad » plus que le reste du Coran. Soufiane Thawri a détesté cet acte. Il a dit « Vous devez suivre les premiers. Il ne nous a pas été transmis quelque chose comme cela. Le Coran est descendu pour qu'il soit lu et on ne doit pas donner des spécificités à quelque chose du Coran par rapport à d'autres. » Regardez comment ils étaient. Ridwanullahi alayhim wa rahimahullah. Hein? Et c'est comme ça que cette religion est arrivée pure jusqu'à nous. Et parmi la compréhension des salafs, cette position d'Abdullah ibn Omar. Écoutez-la. Qui a assisté à un cortège funéraire. Il leur a dit, où vous vous dépêchiez, où je m'en vais. Il a vu qu'ils étaient longs, qu'ils traînaient les pas. Il leur a dit, il faut que vous vous dépêchiez, sinon je pars. Je reste pas avec vous. Abu Bakr Tartouchi a dit, regardez, quand Abdullah ibn Omar a vu qu'ils ont délaissé le fait de se dépêcher pour l'enterrement, qui est une sunna, Abdullah ibn Omar a voulu partir, car il voit que la récompense de deux montagnes ne peuvent pas être acquises en délaissant la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Hein? Fahmu salaf. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, hadara janazatan faqal, la tusri'unna biha, wa illa raja'at. Qala Abu Bakr al-Tartushi rahimahullah, انظروا لما ترك الإصراع بالجنازة وهو السنة هم ابن عمر بالانصراف ولم يرى أن قيراطين من الأجر بقي بترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله وهذه الأمور مندوب إليها ولكن تخرج من هذا الحيز إلى أن تصبح بدعة أو ذريعة إلى البدعة. Donc vous avez vu cette position d'Abdullah ibn Omar. Ils étaient pas, hein, ils marchaient pas vite pour aller enterrer le mort. Il a voulu quitter parce qu'il voyait que dans ces cas-là, sans l'accomplissement de la sunna, mais il y aura pas les récompenses qui en découlent, hein. Et Shatibi a dit ces actes préférables à faire quand on les sort de leur contexte et quand on les met pas en application comme il se doit. Il devient une innovation ou un moyen qui conduit à l'innovation. Hada, c'est la compréhension de le plus prédisseur d'Allah alayhim. Hein? Et là, ce sont des exemples qui nous éclairent sur la compréhension de l'innovation chez Salaf d'Allah alayhim. Le musulman qui veut la vérité, et qui cherche la vérité, et qui cherche la satisfaction d'Allah, doit suivre leur voie, la voie du salaf, ridwanullah alayhim. Il doit prendre l'islam avec leur compréhension. Abu al-Ali al-Riyahi, rahimahullah, a dit, عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. Il a dit, cramponnez-vous à la première situation sur laquelle ils étaient avant la division. C'est pas les compagnons qui se sont divisés, non, non, abadan. L'Auza'i rahimahullah a dit, صبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ها ذكره اللالكاء في وصول السنة. الأوزاعي دي endure et patiente sur la sunna et arrête-toi là où salaf se sont arrêtés et dis ce qu'ils ont dit et abstiens-toi des choses desquelles ils se sont abstenus et suis la voie de tes pieux prédécesseurs car la voie qui a été large pour eux l'est pour toi aussi. Il est large pour toi aussi. S'il a été large pour eux, ben il l'est pour toi aussi. Hein? Voyez comment ils étaient dans leur compréhension de la bid'a. Et c'est cette compréhension que nous devons avoir. Et ceci va nous conduire, inshallah, à faire un rappel sur pourquoi la compréhension des pieux prédécesseurs est obligatoire. Ça sera le titre de la prochaine assise, inshallah. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. سأله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.